Le directeur de surveillance des ondes du ministère des Postes et Télécommunications de la République populaire démocratique de Corée, Lee Yong-il, a adressé une lettre le 1er décembre à François Lanxy, directeur de télécommunications de l'Union internationale des télécommunications. Voici le résumé. Nous avons déjà présenté à la direction de télécommunications de l'Union internationale des télécommunications des rapports à plusieurs dizaines de fois sur la violation grossière par les autorités des postes et télécommunications sud-coréennes de l'article 42 de la Charte de l'Union internationale des télécommunications et de l'article 1 du 15e chapitre des règles de télécommunications et demandé de prendre des mesures rigoureuses. Le ministère coréen des Postes et Télécommunications a reçu 9 fois les réponses de la direction de télécommunications de l'Union qui en a informé les autorités sud-coréennes. Mais les autorités des Postes et Télécommunications sud-coréennes émettent aujourd'hui encore sans cesse la diffusion de télévision dans 4 chaînes, 7, 8, 10 et 11, du système analogique de notre télévision de façon préméditée dans notre région pour interférer fort dans les chaînes de notre télévision. Ces derniers temps, l'heure de l'émission de la télévision est prolongée de 16h à 20. Le ministère coréen des Postes et Télécommunications demande catégoriquement à la direction de télécommunications de l'Union internationale des télécommunications de prendre des mesures immédiates et résolues sur ces problèmes.